Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Pascal Lavoie Archambault et Mathieu Lamarre. Un gros merci, les boys. Rétro Nouveau. Cette semaine à Rétro Nouveau, les jeux Orn et Gradius Galaxies. On vous parle aussi des jeux par rapport aux enfants. La classification SRB. Vous êtes un parent? Vous laissez jouer à votre enfant à n'importe quoi? Hein? Hein? Qu'est-ce que vous faites? T'en occupes pas de ton enfant? Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce 37e épisode de Rétro Nouveau. Salut Dom! Salut Bruno, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, certain. Hey. Hey, 37, on s'approche de 100 tranquillement. Mais hein? Ça va bien, ça va bien. Tranquillement mais sûrement. Okay. Absolument. Puis, mais, et vraiment, direct là, on voulait remercier des fans parce qu'on a des nouveaux fans. Ben, j'oserais le croire parce que ouais. Sur le blog, d'habitude, à chaque fois qu'on publie le podcast, c'est possible de l'écouter directement sur le blog en pesant sur le petit bouton play. Ouais. Puis habituellement, il y a à peu près 100 ou moins personnes qui semblent l'écouter à partir de là. C'est ça. Puis là, notre dernier spécial Double Dragon, dernière fois que j'ai regardé, il était à 1275. Ben, quand même. Écoute, bon, on sait pas c'est si c'est un écoute d'un bout à l'autre de l'épisode, mais malgré tout, il y a quand même 1200 et plus personnes qui ont pesé sur ce bouton-là. Ben oui. Puis pour l'autre épisode d'avant, 780 à peu près, je crois. Puis après ça, ça drop à 100, puis à 80, ouais. Puis à 40, tu sais. Ben, okay. Ça ressemble à des gens qui viennent de connaître le podcast, peut-être par rapport à la rétrospective de Double Dragon. Ben, peut-être aussi. Parce que les gens ont vraiment aimé ça, cette rétrospective-là. Ben là, oui, ça... absolument. On a eu des très bons commentaires. C'est cool. On a eu bien du fun à le faire. Ouais. Puis j'ai l'impression aussi que peut-être à travers ces nouveaux fans-là, il doit y avoir quelques Français. Du moins, oui. j'en ai vu sur on Twitter. On a vu sur Twitter, en tout cas. Puis peut-être qu'il y a un bouche oreille en France. On le sait pas, Il va falloir aller en France pour vérifier à un moment donné. Mais anyway, on voulait souhaiter la bienvenue à tout le monde qui sont des nouveaux fans, à tous ceux qui viennent de nous découvrir ou qui sont pas là depuis longtemps. On est très, très, très heureux. Très heureux. Puis aussi, moi, je voulais dire sur Twitter, aujourd'hui, on a un fan qui nous a dit « Ah, j'aimerais bien ça vous aider d'une manière ou d'une autre. » La meilleure façon de nous aider, c'est de parler de nous autres. Absolument. Dans le fond, parler de Rétro Nouveau, parler du podcast, envoyer le lien du podcast à vos amis, c'est la meilleure façon vraiment de nous aider. Là. Ah oui, plus qu'on a de fans, plus que nos chars sont gros. Ça fait un Cadillac avec des mags. Berline de luxe, t'entends? Coupé de ville. fait que c'est pas mal ça. C'est très cool, en tout cas. Merci beaucoup, on est très contents. On est, est comblés, puis crime les spéciaux. Écoute, on ça va marche. En faire, là, ça marche, puis on... C'est, moi, ça m'a encouragé. Là. On l'a fait, celle-là, Double Dragon. On a vraiment eu du fun à le faire. Moi, j'ai eu beaucoup de fun à le faire. Moi aussi. C'était très réussi. Puis, on avait demandé en devinette sur Twitter à tout le monde, bon, ça va être quoi notre spécial, vous pensez? Là, tout le monde a dit Megaman, bien sûr. Fait qu'on va en reparler. Puis, ça va venir, ça va venir. Mais, Megaman. Il couvrira pas les 100 millions de jeux, non, là, mais c'est sûr. Peut-être juste NES. Peut-être juste NES et X, on le sait pas. Peut-être juste ceux-là qui nous ont marqués. Mais, c'est ça. T'sais. Mais moi, je pense que... On n'a pas vraiment le choix de le faire. Celle-là de Megaman, je pense qu'on est rendu là parce que il y a tellement de monde qui le demande. Ouais, mais malade, en même temps, là. Si on le fait, là, qu'est-ce qu'on va faire après? On va arrêter le show. Les autres vont être comme ça va être comme l'Angry Video Game Nerd. Là, rendu au centième, au film, il fait avec E.T. à l'Atari. Là, exact. Nous autres, quand on va faire notre spécial Megaman, ça va être un milestone. On là, va être ça au va être, top. Ça, il va avoir le avant et le après spécial Megaman. Ouais, on va se faire tatouer dans la face pour l'occasion. Exact. Ça va être malade. Mais ouais, il y a d'autres spéciaux qui s'en viennent, puis surveillez ça. Ouais. Yes. Sinon, tu joues à quoi, toi, Bruno, ces temps-ci? Moi, de ce temps-là, je joue à Darksiders 2. J'ai commencé Darksiders 2 sur le tard grâce à clubgamer.ca. J'ai échangé un jeu. Quel excellent bon site d'échange de jeux vidéo. Mais hein, il y a bien des bons deals qui se font là-dessus, puis c'est surtout... Moi, ce que j'aime de Club Gamer, c'est que jusqu'à maintenant, ça favorise l'échange plus que l'achat, plus que la vente. Ouais. Fait que ça, c'est pas mal le fun. Il y a bien du monde qui ont trouvé leur compte, puis tant mieux. Moi, je l'ai échangé contre l'excellent Sleeping Dogs, que j'ai tellement adoré. Là. Mm-hmm. Puis là, Darksiders 2, c'est la même affaire. J'adore. J'ai vraiment énormément de fun avec. Ce qui m'écœure, par contre, c'est que présentement, j'ai tellement de critiques à Monsieur Net puis Darksiders 2, c'est tellement prenant que je suis en train de passer par-dessus plein de jeux, tu sais. Okay. Puis je sais que toi, ça te dérange pas, genre, d'attendre pour un jeu, ouais, d'attendre c'est ça. Un petit peu là, plus là, tu longtemps. Commences à être has-been, toi, là, déjà. Ouais, même moi, si le jeu est sorti depuis 2 semaines, là, t'as du retard. C'est ça, là, j'ai du retard. Tu sais, Darksiders 2, il est sorti, dans le fond, il est sorti à la fin de l'été, je pense. Ah, ça fait si longtemps que ça? Mais ça fait un bout, quand même. C'est pas à la fin de l'été, c'est au début septembre. Tu sais, quand même, la fin de l'été, c'est il y a un mois. C'est ça. C'est... ça compte même pas l'été des Indiens, ben, ça compte pas l'été des Indiens pas tout. Mais non, c'est ça. Fait que Darksiders 2, j'ai énormément de fun avec le jeu. C'est un bon quest. C'est une bonne modification. Par rapport au premier, là, il y a bien des affaires que j'aime beaucoup plus. La présentation est meilleure, entre autres. Là, c'est vraiment beau, c'est léché. L'histoire est super bonne. Les environnements sont grandioses. Puis c'est le combat est vraiment le fun. Là. Ils ont vraiment peaufiné le combat. Fait que je trippe au bout. C'est sûr et certain que je ferai pas de critique à Rétro Nouveau dans un sens parce que tout le monde en a parlé de Darksiders. Ouais, c'est ça. Moi, Rétro Nouveau, j'aime pas parler de quelque chose que tout le monde a déjà parlé. C'est ouais, c'est le fun plate, de... Ouais, ouais, absolument. C'est le fun de découvrir quelque chose, tu sais. Ben, d'accord. Fait que c'est ça. Fait que là, je joue à Darksiders 2, puis sinon, je joue à une tonne de jeux iOS, je joue à plein de jeux de PS Vita. Ah, c'est ça. Dernièrement, sur PS Vita, j'ai enfin acheté Ninja Gaiden Sigma Plus. Ouais, ouais, je l'ai vu au magasin. J'attendais, depuis le début, je me suis dit, ah, je vais peut-être l'acheter, j'étais pas sûr, tu sais. Puis là, sur PS Vita, j'avais le goût de jouer à quelque chose, tu sais, puis j'ai pas mal tout essayé, ce qui m'intéressait. Fait que là, j'avais vu, Mélanie Boutin-Chartier m'en avait parlé de ça, qui, dans le fond, Mélanie Boutin, elle fait partie du podcast L'Épée Légendaire, puis elle m'avait parlé de ce jeu-là, puis là, je me suis dit, crime, je vais l'essayer, ça avait l'air vraiment cool, tu sais, puis c'est la seule personne qui m'en a parlé. Puis c'est ça, je l'ai essayé, puis par rapport au jeu de 360 initial ou au remake sur la PS3, c'est la même affaire. Là. C'est pareil. Ah niveau ouais. graphisme, puis tout. C'est... Fait que c'est plate, ça, c'est... vu que tu as déjà joué à l'autre. Ou J'ai déjà joué à l'autre, mais ça fait tellement longtemps, sérieusement, okay, que pour moi, c'est comme de jouer à un jeu rétro parce que je le redécouvre au complet. T'sais, je me souviens des batailles de boss qui étaient légendaires, des bouts où j'étais pogné sans bon sens. Mais c'est pareil, ça joue bien, le temps de chargement est pas trop long. Ouais. Graphiquement, c'est beau, le visuellement, tout, la musique, les sons, tout est impeccable. T'sais, c'est vraiment une de ces expériences où tu as l'impression de jouer avec ton jeu de console chez vous, là, dans ta PS Vita. Puis moi, c'est un peu pour ça que je n'ai acheté une Vita. T'sais, j'espérais avoir la même expérience que des grosses consoles. Fait que... Non, je trippe au bout, je suis super content de mon achat. Il m'a coûté 19$ au Future Shop, tu sais. Ah, ben c'est ça bon, qui est ça. Le fun, tout drop présentement, ouais, tu sais, pour ça. La PS Vita, tu sais. Fait que c'est le bon moment pour en acheter. C'est le bon moment pour acheter une PS Vita, c'est le bon moment pour acheter des jeux de PS Vita. Puis moi, ça continue, mon gars, même si j'aime tellement la machine que je veux tout essayer sur cette machine-là, tu sais. Je joue même pas au sport, jamais. Ouais. Puis là, je suis comme de ce temps-là, je suis comme... M'a m'acheter NHL PES ou NHL, ouais, mais je vais m'acheter un jeu de sport là, parce que je trippe trop sur ma PES Vita, fait que je vais jouer là-dessus. Bon, ben c'est bien ça. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, écoute, j'ai acheté des jeux dernièrement en spécial 20$. J'ai acheté Sin and Punishment à la Wii. Yeah. J'en avais joué à Tremblant l'année passée, puis j'avais pas rejoué vraiment depuis. Okay. Faut dire que j'étais un peu pacté. Non, un peu hangover. C'était très difficile. Mais j'avais trippé beaucoup là, à avoir essayé ça. Il donc, est très bon jeu. Il est là. Très bon. Je pense que c'est un bel ajout à ma collection. Ouais. Sinon, je joue à Gradius 5 au PlayStation 2. Ah oui! C'est malade, mon c'est gars. C'est cool, ça. C'est tellement hot. Je voulais en faire la critique aujourd'hui. Puis finalement, ça va être Gradius Galaxy. Mais je t'ai vu jouer l'autre fois. Ouais, puis j'étais comme Einander. Ah, c'est totalement. Ça rappelle tellement Einander. La musique, là, l'ambiance, là, c'est une coche au-dessus. Là. C'est comme c'est plus. Là, c'est la première fois que je joue un Gradius qui m'amène ailleurs. Hein. Okay. Tout en gardant la base quand même. Mais la musique, non, c'est fou. Là. Mais c'est dur. Ah, il est dur. Malade, là, tu sais. Mais il y a des bonnes récompenses dedans, tout ça. Okay. Fait que ça va certainement, très certainement, être dans mon top 10 de l'année, là, déjà. Là, tout est débranché chez moi parce qu'on fait de la démolition en fin de semaine. Fait que je peux pas continuer. C'est pour ça que j'en parle pas. Je vais jouer beaucoup à des jeux portables prochainement parce que tout est out. Mais Gradius 5, surveillez ça de ma part. Je joue à Kiko Kubeko au NES. Yo! C'est quoi, genre de petit bébé avec des ballons, là? C'est très lolo, bubble, ouais. Un peu, là. J'ai juste commencé un peu, mais c'est un jeu que je voulais depuis très longtemps. Ouais. Puis j'ai acheté un gros bundle pour Papa Cassette dernièrement. Puis il était dedans avec la boîte et la tout boîte le kit. Était écœurante de ce ouais, jeu-là. Ouais. C'est un jeu de IREM. T'as-tu la boîte? Oui, oui. Okay. Là, en arrière, là. Ah, c'est. Ben oui! Colin. Fait que non, je suis très content. J'ai juste commencé à gratter la surface un peu. Puis, okay. Tu sais, c'est un petit jeu funny, là. Oui. Super agréable, super cute. Mon fils aimait ça regarder. Donc, je vais essayer de le finir aussi pour la fin de l'année. Okay. Je joue à La Mulana, le jeu qui n'était pas supposé sortir en Amérique du Nord. Tu joues sur Wii. Je joue sur Wii. Okay. Et également disponible sur PC, je crois. Ouais, sur PC. T'es supposé sortir pour 3DS, pas sorti. Ah, ça aurait, j'aurais aimé ça, jouer ça sur 3DS. Ça a été bien mis sur 3DS. Moi, j'étais très déçu. C'est la fin de la vie de la Wii, de toute façon. Ouais, là, c'est ça. Il est sorti en WiiWare, puis en plus, ben, sur ma grosse télé, tous les pixels sont blowés au max. Il est là, pas, moi, de ce que j'ai lu, il est pas très beau. À cause de ça. De la Wii, pas... Non, c'est ça. Mais si sur un petit écran de la 3DS, ça aurait été vraiment parfait. Parce que c'est un petit platformer, genre style Metroidvania. Oui. Mais Indiana Jones, là, ouais. Avec un petit fouet explorateur, avec des trappes et tout ça. Là, c'est très cool. Ça va être plus long que je pensais. Donc, je pourrais pas en parler si vite. Mais, tu sais, il y a des puzzles là-dedans, là, des trucs. Là, puis c'est vraiment des trappes, des booby traps. Qu'on dit. Oui, des booby traps. Des pics, là, puis des trucs, puis il faut que tu scannes des affaires. Non, c'est. Et c'est drôle parce que ton petit Indiana Jones, il a son fouet puis tout, mais il y a aussi un petit portable PC, là, genre, puis il y a des logiciels, tu sais. Il y a comme de l'informatique. C'est comme un explorateur avec informaticien. Ben, il est 2.0, man. Il est 2.0 à l'os, tu sais. La musique est super bonne, tout. C'est un jeu indépendant. Okay. Fait que je vais continuer ça à surveiller, c'est très bon. Et puis, dans mes transports, dans l'autobus, dans le métro, je joue à Cave Story 3D. Je pensais que tu avais arrêté. Moi, j'avais arrêté parce ce jeu-là. C'était comme off, hein, finalement. C'est ça, totalement. Mais là, j'ai une 3DS XL entre les mains présentement. Puis je l'ai ressorti. J'avais envie de voir de quoi ça avait l'air en gros. Et puis, Cave Story, c'est Cave Story. Quand tu recommences à jouer, même, tu rembarques dedans. Fait que là, je veux tout le faire. Bien, je veux le faire bien parce que la première fois que j'avais joué, il y a full d'armes puissantes que j'avais pas ramassées. Okay. J'avais pas le plus puissant des jetpacks parce que dans le jeu-là, tes actions, si tu t'acceptes de changer ton gun à un moment donné, that's all, t'auras pas le gros gun, tu sais, plus tard. Donc, chaque action est importante. Fait que là, je suis allé voir des walkthroughs sur Internet pour voir quoi faire pour avoir tout le meilleur du meilleur. Fait que je m'amuse avec ça. J'ai d'ailleurs, à un moment donné, passé l'étape, tu sais. Fallait pas que je parle, mettons, au professeur. Ouais. Je suis allé parler au professeur. Fait que là, trop tard, je pouvais plus avoir le gros gun à cause de ça. Je suis comme, j'avais joué genre 5 heures, tu sais. J'ai recommencé du début, mon gars. Je recommence tout. Puis là, je sais qu'il faut pas que je parle au professeur. Je suis maniaque de même. Un trooper, fait que je suis un vrai trooper. Fait que c'est mes jeux ces temps-ci. Oh yeah, mon ami, Gradius Galaxies au Game Boy Advance. C'est un jeu de... Attends un peu que je pogne mes papiers. C'est un jeu de Konami, bien sûr. C'est sorti en 2001. Et puis, ça vaut, dans l'usager, à peu près 12$. C'est un bon deal. Oh bon, ouais, pas fort. Moi, je suis tellement hot, je l'ai eu pour 50 cents, mais c'est pas grave. Ça vaut 12$. Puis... Personne bat Papa Cassette. No. C'est ça, c'était dans le fond, c'est le seul Gradius qu'il y a pour le Game Boy Advance. Donc, c'est genre Gradius Advance. Mais au Japon, il s'appelle Gradius Generation. Puis en Amérique du Nord, ils ont décidé d'appeler ça Galaxies. Aucune idée pourquoi le monde... Même ça se casser la tête. Même ça se casser la tête dans la vie, les gens. Tu sais, Gradius Advance pour tout le monde, ça l'aurait fait, me semble. Ben oui. Il me semble comme Gradius 64, mais Super c'est Gradius. Mais c'est peut-être aussi à cause que Gradius Advance, ça donnait l'impression que c'était le premier Gradius pour Game Boy Advance, tu sais. Ben, c'est ça en que fait, c'est. Galaxies, c'est le premier. C'est le seul pour Game Boy Advance. Oui, mais c'est le premier dans le sens que c'est un remake de Gradius 1. Ah non, 1. non, c'est un jeu... C'est ça, je voulais c'est dire. Un tout nouveau jeu. D'ailleurs, je vais vous faire un petit... je vais vous les mettre sur un timeline rapide. Timeline qui est d'ailleurs présenté dans le jeu. Quand tu peux le voir présentement, là, il fait juste des screenshots. Donc, au départ, Gradius, ça s'appelait Scramble, sorti en 1981. Scramble? Scramble. C'est drôle, Scramble. À une lettre d'être Scrabble. Peut-être que c'était ça au début, hein, je sais pas. Après ça, Gradius, qu'on connaît tous en 1985. Ouais. Salamander, a.k.a. Life Force en Amérique du Nord. Life Force Rules. 1986. Gradius 2 en 88, qui est sorti sur le PC Engine. Et sur la Virtual Console, ça je savais pas, vois-tu. Il va falloir que j'aille voir ça parce que j'aimerais bien essayer ce petit jeu. Gradius 3 au Super NES, quel puissant jeu, 1989. Ouais, ça c'était hot. Ensuite, Gradius Gaiden, qui est sorti sur le PlayStation 1 au Japon. Et vous pouvez y jouer en Amérique du Nord sur le Gradius Collection pour le PlayStation portable, donc PSP. Gradius 4 est sorti en 1999 pour PlayStation 2. J'aimerais beaucoup avoir ça si jamais vous voulez me faire un cadeau à Noël. Puis, dans le fond, ce Gradius Galaxies est sorti après en 2001. Et puis, son histoire, ça se situe après Gradius 3, avant Gradius Gaiden. OK. Donc, ça reprend encore le gros méchant, la grosse présence méchante, là, le Bacterion, qui développait une arme puissante dans Gradius 3. Pour anéantir la planète Gradius. Gradius, c'est le nom de la planète en passant. Hein? Ah, j'ai jamais pensé que c'était ça. J'ai toujours pensé que c'était ton vaisseau, Gradius. Le vaisseau, il s'appelle le Vic Viper. Ah, c'est ça, Vic Viper. Vic Viper, absolument. Okay. Puis, c'est ça. Donc, Bacterion développait une arme pour péter la planète Gradius. Okay. Puis, bien sûr, Vic Viper est arrivé pour détruire tout ça avant. La planète a explosé. Il y a des résidus qui se sont comme ramassés dans l'espace puis ont atterri sur une autre planète. Okay. Puis ça a recommencé à former, dans le fond, une planète mécanique, là, forteresse. C'est comme c'est vivant, ça, là. Okay. C'est des bactéries, ça se développe, ça fait de la méchanceté. Fait que encore une fois, la planète Gradius renvoie avec Viper pour détruire tout ça. Le boss de fin de Galaxies, il s'appelle Eleos. Okay. Eleos, le Brain Eleos, c'est un gros cerveau. Puis on dit que c'est un morceau de cerveau de Bacterion qui se serait de Gradius 3 dans mais le fond là, qui s'est reformé là, c'est comme ça, si je te saute la tête au shotgun. Il y a comme un autre Bruno qui va se faire sur le mur là avec ton bout de cerveau. C'est là. De même ça se fait, voyons. C'est de même qu'on fait ça là. Mais ça, c'est le fameux cerveau avec les deux yeux puis les deux bras qui bougent puis tout ça, là. C'était le premier boss de Salamander. Dans Life Force. C'était dans Life Force. Ouais. Mais là-dedans, le boss de fin, c'est un cerveau avec deux yeux, mais qui ne se bat pas. Comme dans tous les Gradius, à la fin, t'as comme 5-6 boss en ligne. Ouais, ouais. 5-6, 3, disons. Ouais, c'est ça. Il y a des limites à vouloir souffrir. Mais le dernier de tout, il se défend jamais. Tu fais juste le faire sauter. Puis dans dans celui-là, c'est pareil. Fait que, passe-moi donc la cassette ici, là. Excuse-moi, j'en ai profité pour jouer un peu pendant que tu parlais, parce que c'est ça. Life Force, c'est pratiquement, là, d'un shmup, c'est pratiquement mon premier juste à cause du nombre de fois que j'ai joué. Ah, mais c'est tellement dur, j'aime là. J'aime tellement ça, Life Force, puis Gradius, c'était la même famille, dans le fond. Ouais, c'est la même affaire. C'est la même affaire, c'est la même chose. C'est le fun, juste le système d'upgrade dans Gradius, c'est tellement cool. Bien, dans Gradius et Life Force, c'est tellement cool. Moi, c'est ça qui fait que ça m'a gardé accroché puis que j'étais plus accroché à Gradius qu'à R-Type. Ouais. R-Type, j'aime pas le système d'upgrade. d'upgrade aussi, mais il est moins présent, on dirait. Il est moins long, présent, puis la maudite grosse boule dans R-Type, j'accroche pas. Non, t'sais. Moi non plus. Ben dans Gradius, si vous connaissez pas ça, c'est facile. Tu pars avec un P-Shooter. En bas, t'as plein d'options. Puis en tuant des ennemis qui sont orange ou un certain pattern d'ennemis, ça te donne des petites bulles. C'est comme des petites bulles d'énergie que tu ramasses. Puis ça te permet de sélectionner des upgrades dans le bas de ton écran. Mettons, ça t'en prend 5 pour avoir une option. Une option, ça tourne autour de toi ou ça te suit partout. C'est comme une copie de ton vaisseau, mais en forme de boule. Mais il faut que tu sois vigilant dans la façon que tu les utilises. Tu parce que dans le fond, t'en ramasses une, t'es ta speed. T'en ramasses un autre, t'es ta missile. L'autre, t'es ta double P-Shooter. Double t'es ta laser. Après, t'es ta option. Option. Puis après ça, t'es ton shield. C'est ça. Mais si tu décides de l'utiliser, mettons, au troisième, ça retombe à speed après ça. Ramasse trois autres. Fait que tu sais, faut que tu décides là, si tu pognes ton missile tout de suite ou si tu t'accumules, tu sais, pour avoir une option. Là. Parce que des options, tu peux en avoir jusqu'à 4. C'est ça. Ça, c'est assez intense. C'est fort en Puis, maudit. Ce qu'il y a de plus crève-cœur à Gradius, c'est quand t'es full équipe, tu sais. tout, là. Tes quatre options, tes deux lasers, tous tes missiles, un speed. Parce que ne prenez pas, genre, comme des malades, 4-5 speed. Tu là, vas foncer dans un tu mur. Tu vas foncer dans un mur, ton vaisseau, il va trop vite. C'est comme dans la vraie vie, tu sais. Un, ça suffit. Puis, c'est ça. Puis, quand ton vaisseau, il est full équipe, puis que ça donne que tu meurs parce que tu fonces dans quelque chose, t'es comme, ah, tu recommences dans le milieu d'un nowhere avec rien. C'est cruel, cruel. C'est vraiment cruel. C'est ça qui est cruel. Un boss. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Tu refais le boss avec rien. Juste ton pichouteur, pas de vitesse. C'est rough. C'est ça qui est tough à Gradius. C'est comme s'il fallait jamais que tu meurs, tu sais. Non. C'est très difficile pour ça. Puis tout le monde, j'ai eu une conversation super longue avec un gars l'autre fois là-dessus. Tout le monde a sa recette Gradius. Comme, c'est quoi la première affaire que tu prends, la deuxième, la troisième, tu sais. Moi, c'est tout le temps, je pogne tout le temps missile en premier. Après ça, je m'en pogne ma première option, deuxième option. Puis après ça, je m'en vais au speed. Puis après ça, je me pogne un ripple. Ah ouais? C'est tout le temps la même affaire. Moi, c'est tout le temps un petit speed pour commencer. Parce que ça permet d'aller chercher les autres. Des fois, ton vaisseau, il va tellement pas vite avec rien que, tu te rends pas jusqu'à ton option, ta bibule qu'il faut que tu ramasses. C'est pas fou, ça. Mais ça dépend où tu meurs aussi. Des fois, tu meurs en plein milieu d'un tableau. T'as besoin de prendre la vitesse. Fait que t'as pas le choix. C'est vitesse tout de suite. Ou il y a des ennemis en haut, en bas. T'as pas le temps pour des options tout de suite. Tu prends ton double. T'sais. C'est stratégique de même aussi. Oh, oui. Puis dans Galaxies, dans le fond, c'est pas juste ça. Il te donne quatre choix de ABCD, de pattern de gun. Ben, d'armement. C'est ça, au début, tu choisis exactement ce que tu veux comme type de vaisseau. Ce que tu veux comme combo de vaisseau. Ouais. Ça, ça n'a pas toujours été là. Non, ça a commencé pas là. Avec ça a Gradius commencé 3. Direct, là. À Gradius 3, c'est là qu'ils ont commencé à t'offrir des sortes. Tes options, elles peuvent tourner autour de toi ou s'éloigner. Tu as plusieurs sortes de lasers et tout. Fait que dans Gradius Galaxies, ils ont repris ça un peu, mais il y en a beaucoup moins. Mais tu as quand même quatre types de vaisseaux que tu peux avoir avec des lasers doubles, ton double qui tire en arrière, des bombes aux photons, des bombes qui vont à deux directions. Fait qu'on te donne cette option-là. Voilà. Dans le shield, tu peux avoir le classique, les deux genres de billes là, à pic là, qui tournent en avant de toi. Ou sinon, le genre de shield qu'il y a tout autour de ton vaisseau. Là. J'ai tellement jamais aimé les deux espèces de billes. Ben, moi non plus, là, parce que t'es comme vulnérable pareil. Ça sert à rien. C'est un bumper à insectes. Absolument. T'as rien. Hein? Puis, il donne aussi le choix de l'auto l'auto fire là, que je te conseille fortement de mettre à on. Si tu veux avoir pitonné comme un malade. Puis aussi, t'as comme un auto-power-up. Ça, c'est bizarre. Je l'ai essayé une fois. Au lieu que de toi décider quand est-ce que t'actives... Ouais, je suis tombé là-dessus par défaut tantôt, puis j'aimais pas ça pantoute. Ben, c'est ça. C'est lui qui décide quelle option va être choisie. Il décide pour toi au hasard, vraiment. Mais c'est il pas, fait des bons choix. Ouais. Il commence par te donner un missile. Après, il te donne un speed. Après ça, il se rend jusqu'à l'option. Après, il descend, il te donne un laser. C'est ça. Ça ressemble à un pattern normal. Donc, j'ai trouvé ça quand même pas pire. Mais tu sais, c'est pas si compliqué que ça de manager tes affaires. Là. T'as pas besoin de cette option-là. Mais pendant que je vous ai au bout de l'écoute, envoyez-nous votre pattern sur Facebook ou Twitter. Je suis vraiment avec curieux. Un pattern d'option de Gradius. Ouais, tout le monde a son pattern. J'avoue. Fait que c'est ça. Pour les stages, il y en a 8. Comme dans le 3, comme le 3 a amené aussi, tu peux scroller up and down dans le stage. Okay. Il n'y a pas juste tout le temps la même hauteur. Là. Tu peux monter puis descendre un peu quand tu n'as pas des murs en haut et en bas, bien sûr. Ouais. Le premier stage, c'est comme dans l'espace avec de la roche, classique Gradius. Le deuxième, c'était du nouveau, c'est des murs en verre que tu fais exploser. Puis après ça, c'est comme tu fais sauter des poutres puis ça fait descendre des planchers de verre et tout ça. Fait que ça, c'était nouveau. Là, j'ai bien aimé cool. ça. Sauf qu'il y a une trappe à un moment donné, là. Si tu prends le mauvais chemin, c'est comme tu slames dans le mur. J'ai tellement slamé souvent dans le mur. C'est comme non! Puis là, tranquillement, ton vaisseau, il fonce vers le mur. C'est comme vraiment tu chiant. Tu vois arriver, t'as le temps. Oh, total. Tu sais, comme oh non, j'ai encore mordu comme un poisson, man. Tu taillis, tu sais. Puis là, ton vaisseau, il est full équipe. Là, tu recommences avec rien. C'est très frustrant. Tout slammer tes belles options dans le mur, man. Le tableau numéro 3, c'est du feu. Ça rappelle beaucoup Life Force. Ah oui. Sauf qu'il n'y a pas des grosses vagues de feu malades là, qui viennent te détruire. Puis il y a des très beaux paysages solaires là, avec le soleil en arrière et tout. Vraiment intense. Stage 4, des volcans. Genre, beaucoup de volcans, comme dans Gradius 1, le ça, boss. C'est les volcans. Ouais, tu sais, les volcans avec les roches qui en sortent, là. Ils ont ramené cochonnerie ça. De roches. Stage, hey, un pea-shooter contre ces volcans-là, c'est impossible, mon gars. C'est impossible. C'est vraiment aléatoire, là. Tu peux te mettre à quelque part, mais tu sais que tu vas mourir au moins une fois. Mais, hein. Stage 5, c'est Moai, donc les têtes de l'île de Pâques, ouais, ouais. Comme il y a dans tous les Gradius ouais. aussi. D'ailleurs, Konami en a fait un Easter egg, ah, cette ouais? petite statuette-là. Il okay. l'a dans plusieurs jeux de Konami. Puis, si je me souviens bien, l'un de ceux-là est The Legend of the Mystical Ninja au Super oui, NES. Ben oui. Quand tu pognes ça, ça te donne du cash, là, okay. ou je sais pas trop. Fait que là, j'aurais dû faire des recherches. Là. C'est ça que je pensais hier soir marche. Dans mon lit. Je suis comme, ah oui, c'est vrai, il faut que je parle de ça. J'ai oublié de le faire. Désolé. Vous irez voir sur Wiki. Stage 6, c'est très organique, là, un peu comme dans Contra, là, des tentacules puis toutes sortes de cochonneries. Ouais. Puis un autre classique de Gradius, la genre de le mur qui se défait, qui se régénère en arrière de oui, toi. Oui, là, ben oui. Il faut que tu fasses ton chemin au travers, puis il se referme en arrière de trip. Toi. C'est de la trip, ouais, tu shoots là-dedans. Mais il faut que tu fasses attention parce que ça se régénère rapidement. Ouais. Man, je suis mort là tellement souvent parce qu'au début. Souvent, c'est l'espace de ton vaisseau, that's it. Là. Ouais. T'as quasiment pas d'espace. Mais là-dedans, même, ça se régénère plus vite que la vitesse de ton vaisseau. Ah oui. Faut que tu prévois, il y a des gaps un peu partout dedans. Okay. Faut que tu prévois ta shot pour que ton vaisseau arrive dans un gap à un moment donné pour te donner un break, tu sais. Okay. C'est tellement. Hey, tricky, il est cruel en maudit, il ce est cruel, ouais, il est cruel. T'as beaucoup, beaucoup de collisions là, dans ce Gradius-là. Okay. Stage 7, c'est une pluie de météores avec des monstres au travers que quand tu tues les monstres, ils se défont en balles qui te foncent dedans. Un cauchemar, mon gars, un vrai cauchemar. Il y en a partout, tu sais, c'est tellement dur. Comme, pourquoi on est venu ici? Stage 8, la forteresse finale qui ressemble beaucoup à Gradius 3, encore une fois, et qui joue avec les mêmes choses, soit le tableau se met à accélérer très ouais. rapidement. Fait que ça te prend du speed. Classique. Puis il y a des portes qui se ferment, tu sais. Donc, ouais. Faut que tu les prévois, faut que tu les passes rapidement, que tu te colles dans le devant de l'écran, tu sais. Puis que tu saches le pattern en haut, en bas, tu sais, pour pas te fesser dans les murs. Ouais. Le classique, très difficile. Et puis au stage 8, ben, c'est le dernier. Il y a trois boss. Puis l'avant-dernier boss est quand même spécial. C'est une espèce de grosse roue mécanique qui roule, qui fait tout l'écran, qui rapetisse, qui grossit. Il faut que tu as juste un petit espace au travers de ces grosses pattes qu'il faut que tu te mettes, là, mais un très petit espace. Okay. Là, c'est très difficile là, de garder ton vaisseau là, là-dedans. C'est, oh, c'est ouais. vraiment tough. Là. Mais c'était bravo, c'était un beau boss. Parce okay. que pour les autres boss, j'ai pas été épaté sans joke. J'ai trouvé ça je sais pas, c'est correct. Là. C'était prévisible. T'sais. Pourtant, c'est l'affaire la plus impressionnante souvent. Oui, à Gradius. T'arrives au boss, t'es comme wow! Les choses que les boss font là, habituellement, ouais. ils te surprennent parce que tu pètes une affaire, puis whoop, il sort un autre laser, puis ça tire de partout. C'est très impressionnant oui. là-dedans. Un petit peu moins, t'sais, mais quand même. Il y en avait des beaux, mais okay. c'était pas à se jeter par terre. Là. Puis sinon, j'ai trouvé la musique plate. Étrange, oh, ouais. parce que c'est toujours bon, la musique de Gradius, tu sais. Okay. Vraiment. Puis là-dedans, je l'ai pas. Elle est pas plate, tu sais, comme Urk, je veux pas écouter ça, mais elle est pas comme. C'est soutenu. Habituellement, mais c'est la musique. Pas le même compositeur non plus. Là. Ouais, c'est ça. Là. Habituellement, la musique est soutenue. Elle vient soutenir très bien un jeu de Gradius. Ouais. Ça rehausse l'expérience. Ouais, mais là-dedans, ouais. ça fait rien. Tu sais, j'ai, okay. j'ai été un petit peu déçu là, pour ça. Colin. Fait que, overall, c'est un jeu très intéressant. C'est comme ben très intéressant. C'est Gradius, tu sais, c'est bien. C'est très mm-hmm. difficile. Tu peux te mettre à easy, normal, hard. Désolé, j'ai joué à easy, pas eu le choix. Puis à Gradius aussi, vous savez le Konami Code en haut, en ouais. haut, en bas, j'en ai, mais, hein? C'est pas arrivé à Contra, ça. Ça a été, c'est arrivé à Gradius 1 pour commencer. Ouais. C'était, il avait mis ça pour tester le jeu, tu sais, dans le temps. Puis, quand ça a été le temps de mettre le jeu sur le marché, ils ont oublié de l'enlever, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est devenu le Konami Code. Mais il l'a dans tous les Gradius, ou à peu près. Puis, dans celui-là, il l'a aussi. Okay. Lui, ce que ça fait... Faut que tu le fasses avec ton left-right. Faut que tu le fasses avec les... Left-right, les gâchettes en haut. Okay. Parce que si tu le fais avec le pad... Ton vaisseau, il va devenir tout équipé. T'as tout l'équipement. Puis il explose après 3 secondes. Ah, c'est wow! vraiment chiant. C'est donc bien cool. C'est drôle, là. Fait qu'il faut que tu le fasses avec les gâchettes. T'as le droit à un par partie. OK. Puis c'est ça. Quand tu fais ça, t'as toute full équipe. OK. Mais puis quand tu meurs à ce Gradius-là, tu recommences, tu sais, tout s'éteint. Puis tu recommences où est-ce que, tu sais, à peu près où est-ce que t'étais, tu sais, une place okay, dans le tableau. Continue, quand même. Mais t'as des vies. Puis t'as des continues. Puis tes continues, ils recommencent aussi où est-ce que t'es mort. Fait que ça, c'est cool. Ils te recommencent pas au cool, début du stage. Ça. Fait que dans le fond, tu recommences tout le temps où est-ce que t'es mort. Oh oui. Alors, puis tu peux te mettre de 1 à 9 vies si tu veux. Okay. Donc, moi, je dis, tu te mets 3 vies à peu près. Puis t'as une shot de Konami Code pour tes 3 vies, tu comprends? Mm-hmm. Puis vu que tu recommences tout le temps où est-ce que tu meurs, ben, tu sais, tu réussis quand même oh toujours oui. à avancer là, en faisant un Konami Code. Là. Donc, c'est possible de voir la fin de ce jeu-là. Puis quand tu le passes à Easy ou à Medium ou à Hard, tu le refais, puis il est plus difficile. Ça fait un loop. Fait que tu peux avoir plusieurs loops comme ça. Puis tu as un stage select au début aussi, que tu peux aller choisir. Ben, si tu as tout fait le jeu, tu vas pouvoir recommencer n'importe où dans le jeu. T'sais, si tu es rendu au stage 5, à la moitié du stage 5, tu peux recommencer là, tu peux recommencer avant. Pas après, bien sûr. Mm-hmm. Donc, ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ces permissions-là qu'ils nous ont données. Ça, là, c'est moins décourageant. Ouais, c'est ça. Ça te permet d'aller plus loin, puis ça te permet de faire le jeu, puis ça te donne aussi le goût de le refaire. T'sais. Ah oui. Puis, un coup que tu l'as passé à Easy, tu vas essayer à Medium, puis ça rajoute, je sais pas, ça rajoute de l'espoir dans le fond. Donc, ça, c'était vraiment un bon move. Donc, au final, c'est un bon jeu, tu sais, à 12$, si vous jouez encore au Game Boy Advance, chose que vous devriez faire, achetez ça si vous aimez les shmups, si vous aimez Gradius. C'est pas révolutionnaire, mais j'ai apprécié mon expérience. Bon. Essuie-toi les mains et le visage avec mes belles napkins d'automne. T'es 40, hein, tes napkins d'automne? Oui, monsieur. On est raccord. C'est que tes concepts. Mais, hein. Fait que... L'épisode de ce soir n'est non seulement présenté par les excellents Pascal Lavoie-Archambault et Mathieu Lamarre, mais aussi par des raffles. Des raffles. All dressed. Assaisonnés. Puis, puis toi, c'est ça, qu'est-ce que tu bois là? Ben là, je bois de la belle gueule Hefeweizen. Oui. Puis là, c'est pas de la blanche, hein? Ça a l'air que c'est pas une blanche. Ça goûte beaucoup comme la blanche, mais c'est pas une blanche, à ce qui paraît, d'après ton bloc de bière. C'est ça. D'après le bloc de bière, ça disait que l'Hefeweizen, c'est autre chose. C'est comme de la L, c'est comme la Pilsner, c'est pas de la blanche. Genre, t'sais, c'est... Fait, en tout cas, c'est, si vous avez les réponses... C'est une chose à part entière. Ah oui, c'est ça. C'est une chose à part comme entière. Comme un chat, mettons. Ah oui. Un chat, c'est pas un char, tu sais. Eh bien, on apprend des choses. Ah oui. Excellent. Fait que on s'en va en musique avec Deadly Sinners du band 3 Inches of Blood. Et puis, c'est tiré du jeu Brutal Legend. Bye. Hey, depuis un bout, moi, je joue à Horn. Yes. Et Horn. Avec un H. Avec un H. H-O-R-N. Exact. H-O-R-N, qui veut dire, dans le fond, une corne ou ça peut aussi vouloir dire un clairon. Oui, oui, un klaxon, là. Un clairon, klaxon. C'est ouais. ça, là. Puis, c'est ça, c'est disponible sur iOS et sur Android. Puis, ce que c'est pratiquement le jeu le plus ambitieux qui existe sur ces deux consoles-là, qui est, dans le fond, vos téléphones. Ouais. Puis, ce que c'est, Horn, c'était un petit gars. Puis ce petit gars-là, qui se promène un petit peu partout dans son village, se rend compte que tout le monde a été changé en pierre. Il y a eu une grande malédiction. Genre de village médiéval là, qu'on parle. Oui, c'est ça. On est dans le temps médiéval. Okay, c'est vrai. C'est pas maintenant que ça se passe dans le temps médiéval. Okay. Colin, une chance, t'es là. Donc. Hey, écoute. Puis, mais j'ai vu aussi comme cette corne. Il ressemble pas à Ico un peu, ce bonhomme-là. Ben oui, il y a quand même une grande inspiration Ico, à mon avis. Là. Ouais. C'est pas mal proche. Mais. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a certains gamers qui vont voir ces jeux-là comme une insulte, puis de la copie. Okay. D'autres vont voir ça comme un hommage, puis on va avoir du fun. Moi, je fais partie de ceux qui voient ça comme un hommage, puis vont avoir du fun. Du fun. Exactement. Excellent. Wow. Fait que c'est ça. Fait que ce que c'est, dans le fond, ce jeu-là, c'est un jeu à la troisième personne, mélange The Legend of Zelda, puis Infinity Blade, puis t'as ce jeu-là. T'as Horn. OK. Fait que c'est vraiment fort. Fait que la manière que tu contrôles ton personnage, c'est que ton personnage est dans le bas de l'écran, puis toi, tu vas peser dans l'écran pour qu'il puisse avancer, puis tu vas pouvoir tourner avec ton pouce de gauche à droite pour pouvoir diriger ton personnage. Fait qu'il n'y a pas de faux D-pad, là. C'est ça, il n'y a pas de faux D-pad, puis de faux boutons, puis tout ouais, ça. Ouais, ouais. Ce qui fait que, moi, ça colle bien avec moi, un concept comme ça, parce que je me dis, tant qu'à être là-dessus, sur une console où tu n'as pas de boutons, essaye pas d'en simuler, fais juste comme... Fais ça, tu sais, fais juste taper sur ton écran. Ah, je suis d'accord, moi, c'est le même que j'aime mes jeux iOS, même si j'ai pas de plateforme iOS. Puis c'est ça, de la manière ça marche, c'est que t'es dans des environnements qui sont grandioses, c'est super beau, c'est l'engin Unreal, puis c'est vraiment un très très très très beau jeu. Okay. Ça pourrait être un jeu de PS Vita, ben franchement, mais pas un jeu de 3DS, parce que 3DS a pas vraiment l'engin graphique pour ça. Okay. Puis c'est ça, tu te promènes dans une espèce de ville en ruine, ou dans une espèce de... Ça se passe toujours dans ville ou... Ça se passe dans la ville, mais il y a comme trois endroits différents. Okay. Au début, tu es dans une ville. Après ça, tu es dans un endroit qui ressemble... Il y a une plage, puis tout ça, puis il y a des roches partout. C'est très féerique. Mm-hmm. En tout cas, c'est super beau. Il y a trois endroits. Le troisième endroit, je vais au moins vous garder le punch. Ouais. Savez-vous pourquoi je vais vous garder le punch? Ben non. Ben, je suis pas rendu là. Ouais, maudit malade. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, là, tu te promènes dans cet environnement-là, puis tu n'as pas des ennemis à gauche et à droite sans arrêt. Tu sais, tu avances, puis... T'essaies de trouver tes ennemis, tout ça. Tu finis par les trouver. C'est comme une espèce de gros bonhomme de roche, évidemment, parce que ces gros bonhommes de roche-là dissimulent des humains ou dissimulent des animaux. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu les combattes pour qu'ils se transforment dans leur forme originale. Okay. Fait que là, tu te bats avec ton épée, comme dans Infinity Blade. Tu arrives devant un monstre, puis là, ça change un peu comme dans Infinity Blade où tu étais... Ton personnage est un petit peu plus loin vers le sol, puis tu frappes en swipant ton écran. Mm-hmm. Puis aussi, tu peux esquiver avec des boutons à l'écran gauche et droite. Okay. Fait que tu peux te battre avec un épée, mais ce qui est le fun, c'est qu'aussi, ça te permet de customiser ton personnage, de le personnaliser. Ouais, t'as d'autres armes. C'est ça, tu peux avoir des meilleures épées, des haches, des harpons, tu peux avoir un meilleur bouclier, une meilleure tenue. As-tu de la magie? T'as pas de magie, contrairement à Infinity Blade, sauf que là, t'as de la potion qui te permet de ravoir ta vie, puis t'as des bombes qui te permettent, tu peux lancer ça sur ton ennemi, puis ça l'étourdit, puis là, ça te donne une chance de le frapper encore plus. Okay. Aussi, ce que t'as là-dedans, c'est que tu peux peser sur ton bras, puis tu vas avoir une espèce de harpon. Le jeu va changer à la première personne, puis tu vas pouvoir tirer sur des ennemis dans les airs, ce qui est très cool. Attends, c'est un harpon... Ben, c'est un arbalète. Ben, c'est comme un arbalète slash harpon. Ah, ok. Puis tu peux aussi t'agripper à certains endroits. Disons qu'il y a une corniche qui est super haut. Ouais. Tu tires avec ton, ton harpon, puis là, il va se tirer dessus. C'est comme un genre de crochet, finalement. OK. Puis c'est vraiment super cool. C'est une grosse quête. Ça dure environ 10 heures. Fait que c'est bon. T'en as vraiment pour ton argent, là. Mais bon. C'est que... j'ai vraiment fait un... Excusez, mon téléphone vient de me dire que ça fait 5 minutes que je parle. Fait que c'est ça. Bref, le, c'est vraiment un grand jeu, sérieusement, pour une si petite console que ça. Ouais. C'est plus impressionnant, à mon avis, qu'Infinity Blade. Parce qu'Infinity Blade, tu refais tout le temps la, la même affaire. Puis tu ouais. te promènes dans, dans des environnements très intéressants puis très beaux. Mais il n'y a pas autant de variété. Puis il n'y a pas une aussi grande histoire, à mon avis, que celle de Horn. Ouais, c'est celle ça. De Horn, tu vas être vraiment transporté. Puis en plus de ça, tu te promènes au début avec une des premières bêtes en pierre. Tu vas te promener avec sa tête. Okay. Puis cette tête-là, tu vas l'avoir avec toi. Puis elle va te dire des affaires pour te déstabiliser puis tout ça. Puis comme Lollipop Chainsaw. Oui, genre. Sauf que lui, il a comme la voix de Bane, tu sais. Puis il est okay. comme « Oh, little boy, are you all scared? » Avec un vraiment... accent british. Oui, puis il arrête pas de niaiser. Puis le petit gars aussi a un accent british. Puis je trouvais ça le fun. Je me disais, c'est un action RPG. C'est sur une petite minuscule console. Puis pourtant... il y a des voix, c'est ouais. pas juste du texte comme ouais, dans tous ouais, les RPG ouais, ouais, qu'il y a ouais. sur console. Fait que non, ça, ça m'a vraiment impressionné. 10 heures, c'est gros pour un jeu. Peut-être les seuls mauvais côtés, il y a eu après coup un update qui a un peu fucké le jeu. Il y a eu des bugs dans cet update-là. Okay. Mais ils ont sorti un autre update par la suite qui règle tous ces bugs-là. Donc la dernière version serait supposée être la bonne. Ah, OK. Pourquoi je dis supposé, c'est parce que c'est pas la version avec laquelle j'ai joué moi. Moi, j'ai gardé la première version depuis le début, puis j'avoue que j'ai pas updaté depuis ce temps-là. Le jeu m'a coûté 2,99$, mais en spécial. En spécial, okay. parce qu'il faisait un spécial de lancement, mais il coûte 7$. C'est un 7$ très bien investi. Ben ouais. Parce que quand même, 7$, vous n'allez pas payer ça. Ouais, c'est ça pour 10 heures. Vous n'allez même pas payer ça pour un jeu. Ça, c'est 10 heures normal, mais tu peux-tu comme booster ton bonhomme, farmer? Puis, Oui, tu peux farmer en masse, puis tu sais, finir par. Fait que tu peux bien faire avec 15-20 heures si tu veux. Oui, puis tu avoir une, beaucoup une plus. Une menace là. Sur deux pattes. Exact. Ça, c'est puis cool. peut-être un autre point faible, c'est que ça peut devenir aussi redondant après un certain temps, parce qu'évidemment, tu fais pas une tonne de choses différentes là-dedans. Tu te promènes, tu vas aller ramasser des trucs dans des caisses, tu vas essayer de ramasser plus d'argent pour avoir des meilleures armes et tout ça. Tu vas te battre contre ces gros ennemis-là, mm-hmm. puis tu vas tirer des manivelles et tout. Mais tu as une couple d'affaires à faire, mais évidemment, avec autant d'heures de jeu, à un moment donné, c'est sûr que tu finis par refaire et refaire la même chose. Fait que ça, ça peut devenir un peu plate à longue, mais tu sais, tu joues à un aussi gros jeu dans le boss, aussi ben beau ouais. que ça, non, ça c'est... avec la musique de Austin Wintory, qui est pas un pee-wee, c'est le gars qui a fait la musique de Journey. Ouais. Excellent compositeur. Fait que vraiment, là, c'est une recette gagnante que Zynga a là, puis ça va vous coûter 7$. Si vous avez un téléphone, iOS ou Android, vous pouvez y jouer. Allez-y, téléchargez ça maintenant. Là. Ouais, go. Là. Sur la boutique papacassette.com, Maniac Mansion, Castlevania, Life Force, Ninja Gaiden 2, Contra au NES. Également, un Chrono Trigger complet, boîte, map, tout le kit. Et aussi, un NES complet avec deux manettes, un zapper et puis tous les câbles. Papacassette.com pour tout besoin en rétro. Woo! On s'en va en musique avec Pitfall de Mayan Adventure, la chanson Jaina Island Falls au PC. We'll be right back. Cette semaine, en discussion, on parle de quelque chose de quand même assez... touché. Assez touché, assez sérieux. Oh. On parle des jeux de viol. Bye. Salut. Non, c'est ça. Ça n'existe pas, des jeux de ça. Eh non, ça n'existe pas. On parle, ben, ça existe au Japon. Là. Ouais, c'est, ouais. Tout le temps des jeux de même. En tout cas, on parle du code de classification des jeux. On parle aussi des enfants par rapport aux jeux, l'âge requis pour jouer, la conduite des parents envers les jeunes et le jeu. Parce que c'est... Moi, c'est quelque chose que je vois souvent. J'ai des neveux, j'ai des enfants, puis ouais. C'est quelque chose... avec. Je suis très sévère avec ça. Mm-hmm. Puis c'est ça, je voulais juste qu'on en jase, puis je voulais voir aussi ce que les fans avaient à dire. Pis... Ouais, ben on va commencer par les fans. C'est ça, on a eu pas mal de commentaires. Ouais, ça a jasé, ça sur Facebook. Ça a jasé en tabarnouche. On avait gros sur le cœur. Ouais. Il y a Jonathan Milter qui dit « Moi, quand je travaillais dans les magasins, plein de parents se foutaient de la cote et achetaient des jeux M pour des enfants de 10 ans, genre. Mm-hmm. Combien de Call of Duty j'ai vendu à des parents qui me disaient que ça allait être pour un jeune enfant? Trop. » C'est fou, ouais. Pareil. Renaud Dorval qui dit « En même temps, ce fut la même chose dans le temps. Combien de jeunes ont joué à Mortal Kombat? » C'est vrai. Ouais, c'est clair. Le jeu Conquer Bad Fur Day est pour plusieurs personnes de ma génération leur jeu d'enfance. C'est totalement vrai. Jacques Germain dit « Moi, je vends pas les jeux aux parents quand je sais que c'est pour le jeune à côté du parent, comme la SAQ qui ne vendent pas d'alcool aux parents pour les jeunes. » Vrai. Mm-hmm. François Moreau dit « Oui, méga fail de société. On crie pour les films 16 ans et plus que nos jeunes voient, mais les jeux aiment, pas de problème. » Jacques Germain qui réplique « Mais Renaud apporte un bon point. J'ai joué à Mortal Kombat étant jeune, Killer Instinct, etc. Puis je suis pas plus fucké. » Jonathan Milter revient en disant « Le rating de jeu au Québec est seulement une référence pour le parent et non une loi. » Donc, si le parent le voulait, je devais lui vendre et les patrons ne sont pas super contents quand tu refuses une vente et qu'ils traversent la rue l'acheter chez le compétiteur. Un petit peu d'accord avec ça. C'est vrai, ça. En même temps, en tout cas, continue. Je vais dire mon point après. Jacques Germain revient avec dire « Moi, je suis patron et je le vends pas. » Bon. Joël Martel dit « Je suis très fier que vous soyez rendu à l'épisode 37, les gars. Petit train va loin, je vous aime. » Jonathan Milter qui réplique « Tout vient du bon jugement du parent et de la responsabilité d'expliquer aux enfants que c'est un jeu vidéo et pas la vraie vie, ainsi que de juger de la maturité de comprendre de son enfant. Si ça affecte un comportement, lui retirer les jeux est un bon move, mais en tant que parent, je sais que s'il ne joue pas chez moi, devant moi, il va jouer au même jeu chez un ami. » Ça, c'est dur à contrôler, tu sais, mais en même temps, tu commences par contrôler ton foyer, puis tu peux pas tout contrôler, effectivement. Exact. Ton jeune, à un moment donné, il va peut-être essayer une cigarette, il va peut-être, et fort probablement, virer une brosse, puis c'est pas facile. Mais c'est pas facile pendant tout. Jérémy Paré qui dit « Mortal Kombat, lol, une tête arrachée avec la colonne qui pend en plein et plein de sang en carré qui gicle, c'est le souvenir d'enfance que j'ai de ce jeu. » Renaud Dorval qui dit « Selon moi, c'est pas le réalisme qui fait la différence et qui rend un jeu plus violent qu'un autre. Manhunt est pas mal plus violent que Dishonored, même si l'un est plus beau que l'autre. » Jacques Germain qui réplique en disant « C'est sûr qu'il était moins réaliste et contrairement à ce que vient d'écrire Jonathan Milter, il est beaucoup plus difficile maintenant d'expliquer à un petit bonhomme de 4 ans que c'est pas la réalité. Je prends juste mon kid de 4 ans comme exemple et qui tripe bien raide sur Batman. Même si je lui explique que Batman n'existe pas, il continue d'y croire comme il croit au Père Noël. Donc, c'est un peu dur de lui dire que ce qu'il voit à l'écran n'est pas vrai. Tu sais, quand mon gars regarde mes pochettes de jeux 360 dans ma bibliothèque et me dit « Papa, il y a des messieurs pas gentils dans ce jeu-là, hein? » Ça me fait peur et je veux pas que tu joues à ça. Donc, commentaire final, les parents ont une grosse responsabilité sur ce que leurs enfants peuvent voir ou jouer. Jonathan Milter qui réplique en disant « Il y a une différence entre laisser ton enfant jouer à Batman Arkham City et Lego Batman aussi. Les deux ont des méchants dents, techniquement. Et à 4 ans, je suis d'accord avec toi, moi je parle d'un enfant de 10 ans qui veut jouer à Call of Duty ou Assassin's Creed. » François Moreau dit « Pour des cigarettes, alcool, on nous carte. » Louer un film 3X, ils sont dans une section spéciale, titre porte western. Oh yeah. Pourquoi faire différent pour les jeux? Après ça, François Moreau qui dit « devrait être loué ou acheté, carte ou rien ». Renaud Dorval qui dit « de toute façon... » J'avoue que ça réglerait le problème. Ça réglerait pas mal d'affaires. Renaud Dorval qui dit « de toute façon, c'était impossible d'acheter un jeu mature si tu étais jeune, sauf si tu étais avec un parent. Je sais pas si ça change aujourd'hui. » François Moreau dit « dans le temps, j'ai acheté pas mal tous mes jeux seul. Et je me souviens que j'étais seul pour acheter Mortal Kombat 2 chez Toys R Us à l'âge de 13 ans, alors que j'aurais pas dû pouvoir. Mes parents ont toujours été anti-jeux vidéo, donc jamais j'aurais leur consentement pour l'achat de certains jeux. » Nick Chalifou dit « bon sujet, il y a déjà plein de commentaires, j'ai hâte de vous entendre, les deux papas! » Yannick Lampron qui va avec un grand commentaire qui vaut la peine d'être lu quand même. « Faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Quand on avait 14 ans, il y a personne qui nous aurait empêché de jouer à Mortal Kombat, Killer Instinct, Resident Evil et compagnie. » Nous serions devenus une méchante génération de blasés à jouer qu'à Kirby et Mario. Le système de cotation est pas très sérieux, fait à la bâcle par on ne sait trop qui. Par contre, je crois qu'il reste néanmoins une responsabilité autant pour les parents que les distributeurs. La pub devrait être mieux ciblée. C'est le même problème qu'avec les films d'animation. Je ratisse large. Pardon. Un jeu, c'est pour les enfants et tu ne perds pas de temps ni d'argent à cibler pour les adultes. Je crois que de souvenir, Assassin's Creed Retaliation est le seul exemple que j'ai en tête de marketing ciblé beaucoup plus pour les adultes. Donc un système mieux adapté et plus sérieux, une responsabilité des parents et des distributeurs, ne pas virer fou. Un peu d'écrapou pour des ados, je pense que c'est paradoxalement sain. Je crois que c'est au niveau des thématiques liées ou non à la violence qui devrait être gérée plus sérieusement. Il reprend son respire. Sébastien Gauthier, qu'on va lire en dernier, dit « Pour moi, l'âge des jeux n'importe peu. Avec ma fille de 3 ans, je joue à Disneyland Kinect et elle trippe au bout de voir Mickey Mouse et tous ses amis. Mais si mes enfants seraient vieux, 7 à 10 ans, je leur dirais qu'on n'a pas le droit de jouer à des jeux violents genre Gears of War, mais plus Pokémon ou des jeux d'enfants. C'est aux parents de choisir les bons jeux par rapport à l'âge des enfants. » Ouais, ben moi, c'est ce que je fais présentement. Ouais, prendre une petite gorgée. C'est ce que je fais présentement avec mon fils que je tiens pas du tout à... Ben, pas spécialement, disons, à faire rentrer dans l'univers des jeux vidéo. Ben oui. Mais veut pas, il y en a partout. Fait qu'il aime bien ça me regarder. Puis des fois, moi, j'ai envie de jouer. Ben oui. Fait que, comme je disais, jouer à Kiko Cubicle ces temps-ci, ben lui, il aime bien ça regarder ça. T'sais, y a rien... Mais jamais que je vais jouer, même à Double Dragon Neon, là, t'sais, je jouerai jamais à ça devant lui. Là, t'sais, c'est juste des coups de poing en face, puis des couteaux, puis des coups de batte de baseball, puis des filles qui ont de l'air de des putes. T'sais, c'est pas possible. Je fais pas ça. Là, t'sais. Je choisis les jeux devant. T'sais, Plants vs. Zombies, c'était vraiment le maximum. Là, t'sais, puis j'ai pas dit que c'était des le mot zombie. T'sais, j'ai comme dit que c'était des bébites. Genre, puis c'était pas genre. C'était correct. T'sais, puis en tout cas. Mais. Moi, je trouve que les parents ont toute la responsabilité. Les vendeurs, oui, mais en même temps, les vendeurs, tu contrôles pas les vendeurs, mais tu contrôles jusqu'à un certain point ton enfant. Oui. C'est toi qui mènes. Là, c'est ton fils, c'est ta fille, c'est tes affaires. Fait que t'as pas à te fier sur un vendeur pour comme gérer ton enfant. T'sais. Exact. Tu peux pas te fier à ça. Là. Le vendeur, c'est n'importe qui. Puis comme le commentaire disait tantôt, les gérants, ils veulent vendre. Là, ben, pis, c'est ça. Fait qu'ils s'en sac. Il faut que ça sorte, les jeux, eux autres. Là. Fait que c'est à toi à checker ça de près. Puis je suis quand même assez d'accord. Je suis pas comme... On devrait pas avoir de jeux de guns pis de sang, là, jamais. Moi-même, quand j'étais jeune, t'sais, je voulais de la violence, je voulais des affaires, j'avais des fusils, je jouais, j'étais un gars. Puis j'ai un petit gars de 4 ans, puis moi, là, les fusils, là, il aime ça, tu sais. Il s'imagine, là, c'est de la force pour lui, ça. Moi, il a pas de jouet de fusil ici. Il a jamais écouté une affaire avec des fusils ou, tu sais. Ça vient d'ailleurs, ça vient de je sais pas où, la garderie, probablement. Mais le fusil, c'est synonyme de force, puis ça... Man, ça le fascine là. Si je faisais écouter une affaire de gun là, il capoterait là. Il voudrait juste ça là, tu sais. Fait que j'essaie de pas l'exposer à ça, même si je sais que c'est inévitable, il va tomber là-dedans à un moment donné. Tard, mais il est pas rendu là, tu sais. Ah non. C'est comme mon fils a jamais bu de liqueur de sa vie, tu sais. Ouais. Puis je trouve qu'il est pas rendu là, tu sais. Il va en boire à un moment donné, mais là c'est pas nécessaire. De... Là. Ben il est pas obligé, non. Mais tu sais, à un moment donné, je peux pas l'empêcher de sa vie de boire de la liqueur, mais il est pas obligé de pourrir sa santé. starter maintenant, tu sais, à 4 ans, tant que j'ai du contrôle, disons. Mais je veux pas comme maintenir un contrôle au point de genre cochonner sa vie puis qu'il soit comme qu'il s'emmerde ou blasé ou whatever. Là, à un moment donné, il faut que tu laisses aller certaines choses. Mais oui, c'est sûr. Fait que je suis rendu au Tortue Ninja présentement avec lui. Là, ça se bataille, il y a des épées et tout, mais ça saigne, ça saigne jamais dans les Turtles. Puis il y a des comic relief, des jokes, des affaires. Fait que ça, je trouve c'est bien balancé. Oui. Parce qu'un petit gars, je comprends pas pourquoi, a besoin de défoulement, de violence. Oui. C'est vraiment bizarre. Mais tu vas voir ton petit, quand il va être rendu à 4 ans, là, gars, il va vouloir se chamailler avec toi, puis il va faire l'épée, puis il va faire les fusils, tu sais, puis fuck, man, ça se fait tout seul, là. J'ai aucune idée de où est-ce qu'il prend ça, là. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Mais moi, c'est ça, j'ai une fille, mais j'ai un petit garçon aussi, mais mon gars, tu sais, il a un minuscule, an, là, fait ouais, que il n'y a aucune idée de ce qui se passe vraiment. Mais ma fille, elle n'est même pas intéressée par les jeux vidéo. Non, c'est ça. Ben, puis je ne l'expose pas à ça. T'as sûrement déjà vu jouer à quelque chose. Oui, elle m'a déjà vu jouer à quelque chose, mais à toutes les fois que j'ai un jeu qui est légèrement violent ou que je pense qu'il va la déranger, je joue pas devant elle. Il n'y a aucun moment où je vais jouer devant elle. De toute façon, c'est rare que je joue à un jeu vidéo devant elle, parce que je trouve ça plate pour elle. C'est pas du temps que je passe avec elle, c'est pas du temps que je passe avec ma blonde ou avec mon gars. Là. Fait que, moi, je joue samedi après-midi, genre avant souper, là, une heure ou deux avant que, mettons, on est revenu à la maison, il est 3h, tu sais, j'ai un petit 2h à brûler, puis on va jouer en soirée à des jeux, tu sais. Fait que là, à des jeux qui sont pas des jeux vidéo, je veux dire. Fait que une petite game, là, tu peux me regarder si tu veux, tu sais. Ça fait son bonheur, puis tout. Ça fait mon bonheur aussi de relaxer, de jouer à la fin de semaine, là. Mais moi, je pense que le plus gros du problème par rapport à la classification, c'est que. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans les commentaires tantôt, je trouve qu'on devrait avoir un système de cartes. Faut que tu te fasses carter pour acheter un jeu ou pour louer tel film. Tu devrais avoir une carte avec une puce qui fait comme ta passe, bip, tu passes ou tu passes pas, là, c'est tout. T'sais. Parce que ce qui est dommage maintenant, puis c'est un problème qu'il y a tout le temps eu, mais il y en a plus maintenant vu que les gens sont plus occupés. Que les gens travaillent plus, que les gens sont plus stressés, il y a plus d'enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Ouais. Qui vont justement. Les enfants ont plus de bebelles comme ça, on dirait. Tu sais, parce qu'avant, là, moi, quand j'étais jeune, les kids qui étaient laissés à eux-mêmes, là, s'il y avait la chance d'avoir un Nintendo, c'était rare. Là. Ouais, toujours vrai. Nintendo, il fallait qu'ils viennent chez nous ou chez un de mes amis. Tu sais, il n'y en avait pas. Maintenant, de c'est la base. Il y a une console dans toutes les maisons. À exact. Peu près, là, tu sais. Ça coûte plus rien. Puis, ben des fois aussi, il y a de ces parents-là qui ne s'occupent pas de leur kid, que c'est des gamers. Ouais. Fait que, tu sais, veut pas, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Là, tu sais. Puis, des fois, j'entends des affaires horrible, où il y a des fans des fois, moi, qui me disent des affaires, je suis tout le temps épaté, genre j'entends un kid de 12 ans dire « Ah, Resident Evil 6, c'est malade, man! » Ah, fuck, wesh! T'es pas supposé jouer à ça, mais en même temps... On le sait que ça va pas nécessairement... Ça va pas faire des meurtriers parce qu'ils jouent à des jeux de guns. Non, pis c'est pas... Mais... Moi, je pense que c'est pas l'idée de « ça va-tu faire un meurtrier ou non? » Je pense que ça arrivera pas, pis... T'sais, si ça arrive dans la vie de quelqu'un, je pense pas que ça va être à cause des jeux vidéo parce qu'il y a tellement de sources de violence qui existent dans la vie que t'as pas besoin d'un jeu vidéo pour te convaincre de faire quelque chose. Ça dépend de l'éducation que t'as, ça dépend de l'encadrement que t'as. Totalement. T'sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais super bien encadré. Ben ouais, moi aussi. J'avais une fascination pour les films d'horreur à un moment donné. T'sais, j'étais comme... Je savais pas c'était quoi, fait que là, fallait que j'en regarde, pis ça me donnait la chienne, j'étais complètement effrayé. Pareil pour les films de cul, là, tu sais. Ah oui, c'est la même affaire, mais tu sais, genre, mes parents, ils étaient là, pis je veux dire, ils m'encadraient, pis finalement, ça a fait que, bon, tu sais, c'est pas pour moi, je sais que ce que je fais présentement, c'est mal, je suis pas en train d'écouter l'opéra de la terreur avec mon père, là, tu sais. Ouais, non. C'est qu'il faut pas restreindre l'enfant, faut l'accompagner, je pense, quand il est prêt dans son développement, quand on juge qu'il est prêt dans son développement à aller dans cette phase-là, mettons, là, tu sais. Les jeux de guns et tout ça, ça a à venir à un moment donné, mais faut pas. C'est pas obligé que ça arrive si tôt, tu sais. Puis non, ça va pas comme mettre en péril la santé mentale de quelqu'un ou mais en non, faire un sûr. Imbécile qui sera pas bon à l'école ou quoi que ce soit. Pas du tout, même que des fois, ça aide beaucoup. Moi, ça m'a aidé pendant ça m'a aidé mon à apprendre enfance l'anglais. Les jeux vidéo. C'est ça. Je jouais à Final Fantasy, je comprenais fuck all, tu sais. À un moment donné, tu piges un peu les affaires, là, tu sais. Ah, c'est ça, puis t'es dans ton monde aussi, tu sais. Il y a plein de jeunes qui ont de la misère, qui ont de la misère à l'école, qui ont de la misère à se faire des amis ou quoi que ce soit, puis ils vont jouer à un jeu vidéo, puis ils vont s'en aller dans un univers parallèle où ils Mais sont. Mais ça, c'est quand même pas la solution. C'est pas une bonne solution. C'est pas la solution, mais moi, j'ai l'impression que beaucoup. Ce que je trouve dommage dans la vie, c'est que les gens traitent les jeux vidéo sur un autre niveau que la littérature puis que le cinéma, puis c'est une forme d'art comme un autre, les jeux vidéo. Ouais. Pis, mais il faut pas que ça soit comme un exutoire ou un échappatoire à la société. Ah, à la réalité, pas du tout. Ou à la réalité, au sens où t'as. Faut pas que tu deviennes un t'aies des problèmes sociaux, tu sais. Non, tu deviennes ça, un mésadapté social, tu sais. Ça, c'est sûr. Si t'as de la difficulté comme à aller vers les gens, à t'exprimer, ou tu te sens jugé, tu sais, ou que t'es pas bien dans ta peau, whatever, faut pas que tu te caches en arrière d'une roche, puis tu joues à des jeux vidéo dans ton monde, puis ton monde devient un monde de gamer. Oui. Tu sais, comme. Les jeux vidéo sont là pour te distraire, pour te faire du bien, te laisser aller, mais ils sont pas là pour être une béquille, tu sais. Non, c'est sûr. À un trouble que tu peux avoir, tu sais. Un trouble normal, comme il y en a plein de monde qui ont des troubles, tu sais, en passant, là. C'est sûr et certain, sauf que ça, c'est encore, une fois de plus, ça dépend de ta façon de le canaliser. C'est ça. Moi, quand j'étais jeune, je me suis fait des amis à cause des jeux vidéo, des fois. Ben moi, ça, c'est à cause que... C'est quand je suis vieux, là. Maintenant, cette année. Non, mais les podcasts, toutes ces affaires-là, tu sais, on rencontre plein de gens. On se fait des nouveaux amis, ça, c'est très cool. Ah oui. Mais ça dépend, c'est ça, ça dépend de ce que t'en fais. Mais tu sais, la classification, puis le rating, puis tout ça, c'est que moi, je trouve que maintenant, oui... Dans le temps, on peut dire, oui, on a joué à Mortal Kombat, à Killer Instinct. Mm-hmm. J'ai joué à Girls Panic quand j'avais 12 ans, qui est un jeu où tu vois des filles tout nues, tu sais. Mais c'était mal fait. Tu sais, c'était vraiment mal fait. Non, pis, non, c'est sûr. C'était cheap. Puis tu sais, oui, je sais, il y a eu des affaires quand même assez intenses, tu sais, Phantasmagoria, puis des jeux d'horreur, puis des trucs épouvantables. Il y en a eu, mais tu sais, c'était pas ce que c'est maintenant. T'sais, maintenant, là, le kid de 8 ans qui va jouer à Call of Duty, là, il est capable de savoir c'est quoi être sur un champ de bataille au front, à la fin du monde, dans une guerre nucléaire. Il est pas rendu là dans sa vie. Es-tu rendu là dans sa vie où il faut qu'il sache qu'il y a des guerres nucléaires, qu'il y a des terroristes, qu'on a peur des virus, qu'on a ci, qu'on a ça, tu sais? Il y a ça aussi, à un moment donné, tu sais, un enfant, je veux dire, la naïveté, là, c'est quoi ça? C'est un beau cadeau, la naïveté. Faut que ça reste là un certain temps quand même. Je suis d'accord. T'sais. C'est comme pourquoi pas lui donner toutes les réponses dans la bouche à partir de 7 ans, là, un gros paquet de junk food avec ben de la sauce par-dessus, puis c'est comme, putain, mon gars, la vie c'est de la merde. Stage one. Tu sais, c'est, vas-y, rentre-toi là-dedans, là, t'as des réponses à toutes, puis tu vas être déprimé pendant toute ta vie par la suite, tu sais. Mais des fois, je me demande si on n'est pas juste des vieux bats, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent, ah, mettons les jeunes filles aujourd'hui, là, tu sais, sont à moitié tout nus, esti, à 13 ans, puis là, ils fourrent tout à 12 ans à cette heure, tu sais, puis là, c'est quoi à cette heure, là, qu'est-ce qui arrive, gna gna gna, tu sais. Moi, premièrement, je ne pense pas que les filles, même si peut-être aujourd'hui elles s'habillent quand même un petit peu plus sexy dans notre temps, dans notre temps à nous, on a 30 ans, puis je regarde les filles de 15 ans d'aujourd'hui versus de 15, la mode de 15 la ans. La mode dans notre était temps. Vraiment différente. C'est pas pareil. Hey, mais je ne pense pas que les jeunes filles sont toutes devenues des salopes ouvertes, genre à n'importe non, qui, pis qui est pas plus qu'avant. Pis, fait que les jeux vidéo, c'est-tu un peu. Ça, quand même, tu sais. C'est-tu les jeux vidéo qui sont un petit peu plus hardcore au look, mais que les jeunes sont pas plus dingues à cause de ça? Tu sais, des fois, je me pose cette question-là. Mais. Il y en a beaucoup qui sont pas plus dingues à cause de ça. Non, c'est ça. Qui sont brillants. C'est-tu nous autres qu'on se dit, justement, dans notre temps, c'était des gros pixels à 8 bits, tu sais, c'est pas grave. Puis à cette heure, c'est des vraies affaires, ça a l'air vrai. Fait que, tu sais, on a-tu une réaction de vieux cave à cause de ça? Je me le demande. Ben, moi, je pense que, tu sais, il y a un film qui m'avait marqué quand j'étais jeune, puis c'était Brain Scan. Ouais, c'était hot, ça. C'était hot, tu sais. Puis Brain Scan. C'est un peu, à mon avis, ce que les jeux vidéo sont maintenant. Tu sais, Brain Scan, le film, c'est que c'était Eddie Furlong. Ouais. C'était John Connor. John Connor. Qui, avec un excellent soundtrack d'ailleurs. Hein, ouais. Welcome to this world de Primus. Mais, hein. Mais non, c'est ça. Ce qui était le fun de ce film-là, puis ça me fait penser aux jeux vidéo d'aujourd'hui, c'est que c'était très réaliste. Un petit gars qui rentrait dans une réalité virtuelle dans son jeu vidéo où il allait tuer du monde, mais finalement il tuait pour de vrai. Ouais. La façon qu'ils ont filmé ça, c'était pas du 3D cheap, ils l'ont fait en vrai. Ouais. Puis ça me fait penser un peu à ça maintenant. Je veux dire, quand tu rentres dans un jeu vidéo, là, tu joues à Condemned, c'est toi le gars, là, puis tu te fais frapper par du vrai monde, puis t'as la chienne pour de vrai. Ouais. Jouer à Dead Island. Ouais. Versus jouer à un jeu de zombies, genre qui aurait le look de Friday the 13th sur le NES. Là. Ouais. On est à une méchante coche, pareil. Ouais, non, là, ça, c'est je veux dire, c'est sûr que l'horreur a un autre niveau complètement. Puis aussi, tu sais, oui, il y a eu des jeux. Tu sais, je vais faire un parallèle là, très simple. Tu joues à Contra, ouais, sur le Nintendo, puis tu joues à Call of Duty. Ouais. C'est deux affaires complètement différentes. Puis il n'y a personne qui va pouvoir me dire « Ouais, mais c'était quand même ça, c'était quand même de la guerre. » Oui, c'était quand même de la guerre, mais pour moi, tu sais... Mais c'est parce que moi, faire sauter les petits bonhommes... C'est deux affaires complètement différentes, là. Mais faire sauter, tuer des gens à Contra au NES, tu sais, le petit sprite qui saute dans les airs et qui explose, il n'est pas considéré comme quelqu'un, tu sais. Il est comme non. Juste une guenille qui fonce vers toi. Exact. Mais aujourd'hui, tu sais, les soldats que tu tues, tu sais, de près, whatever... Ils se plaignent. Ils sont tellement réalistes, tu peux leur imaginer une famille, tu sais. Oui. c'est des vrais gens à qui tu enlèves la vie, là. Exact. T'sais. Mais bon... Au volume, à force de jouer, vient que tu t'en fous, tu t'en rends, ouais, même plus compte parce que tu as un but précis et tu enlèves ces obstacles-là virtuels de ton chemin. Exact. Mais tout ça vient peut-être désensibiliser aussi. C'est là. De plus en plus réaliste. Puis moi, j'avoue que ça m'est arrivé des fois de jouer à des. Les first-person shooters de guerre, en passant, moi, j'ai de plus en plus de misère. Pas à cause que j'ai un blocage émotif avec ça, mais je trouve que c'est toute la même affaire. Mm-hmm. C'est de plus en plus réaliste. Ouais. Puis je trouve que je trouve qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans, de tout le temps comme d'aller tuer du monde de même. Tu sais, je sais pas, tu sais. Moi, j'aime pas la guerre, là, dans la vie. Ça m'écœure en hostie. Mais c'est ça, c'est parce que là, présentement, c'est comme entretenir ça arrive. Ouais. On n'a pas besoin de plus de guerre, tu sais. Mais je comprends, t'as du plaisir à jouer à ça, tu sais. Ouais. Mais Chris, moi, pour me détendre, pour me détendre, je sais pas, je veux pas embarquer dans la guerre. Non, je veux pas c'est des ça. Vraies armes. Je veux pas aller en Irak, t'sais, ou en Libye, ou tuer des vrais gens, t'sais, ou je sais pas quoi. Là, fait que c'est ça, mais en tout cas, en conclusion, t'sais, si vous êtes un parent, moi, je pense que l'idée, c'est juste d'être alerte à ce que votre enfant joue. T'sais, ouais, je ouais, me ouais. dis peut-être s'asseoir à côté et checker le jeu. T'sais, si vous savez pas c'est quoi Grand Theft Auto, ben t'as le jeu chez vous, puis ton enfant joue, tu joues pendant 10 minutes. Puis t'as payé pour, vu ouais, que tu l'as ça. Chez vous. Fait que check au moins ce que t'as acheté. Check ce que t'as acheté, check ton investissement, puis peut-être te rendre compte que ah, c'est pas pour lui, tu sais. Puis la revente, ça se fait facilement de toute façon, tu sais. Puis tu sais, les enfants aussi, moi, quand j'étais ado, là, j'étais pas... Tu sais, j'étais pas comme malade, là, pas tenable, tu sais. Oui. Mais tu sais, je sortais, je rentrais à 4 heures du matin, j'ai fait mes trips et tout. Oui. J'ai tout été parti, mes parents savaient pas j'étais où, tu sais. Mais je suis parti, j'ai eu une bonne éducation, j'étais super bien encadré et tout, j'avais des bons parents, tu sais. Ça fait que j'avais un bon fond. Oui. Puis le bon fond, c'est ce que tu peux laisser dans ton enfant. Pour quand il s'en va faire ses affaires, ouais. Le bon fond, il reste. Le bon fond, il rappelle toujours. Ouais. Que, à un moment donné, t'as ta conscience. T'as une conscience, t'as une limite, tu sais, puis déconne pas, tu sais. Ouais. Même si le parent est plus là, l'enfant, il a ça en lui. Moi, j'avais ça en moi aussi. C'est là que j'ai vu qu'à un moment donné, ah, ces gens-là, non, faut que je les lâche, ouais, tu sais, puis ça, faut que je fasse ça. Fait que c'est pareil un peu pour les jeux, là, tu sais, comme, ben, ton enfant va pas partir, là, mais ouais, comme, rends-y dans la tête ou contrôle bien. Sa consommation de jeu, puis ouais, ça va bien aller. Mais oui, certain. Il va pas virer fou là, ou quoi que ce soit. Non, c'est sûr. Faut contrôler tout ce que nos enfants regardent puis voient, parce qu'il y a tellement d'affaires. Là. Ça peut être autant les jeux vidéo que le cinéma, la TV, que la TV, ouais, la musique même. Il y a des affaires en musique, des fois, là, pour un jeune. Là, que c'est peut-être pas nécessairement l'affaire la plus appropriée. Là. Du Stain puis du Bush, là. Ouais, c'est ça, s'il écoute du Nickelback, là. fait que c'est ça. Fait que en tout cas, soyez alerte et vigilant. Gérez vos enfants. Ouais, ça va faire. Ouais. Fait que c'est ainsi que se termine ce 37e épisode de Rétro Nouveau. Ça a bien été. Ça a bien été. Hein, ouais. Yes. Comme je disais, on s'approche du 100e, là, tranquillement. On est rendu à 37. C'est fantastique. Ça va venir. On a des nouveaux fans. On est bien contents. Puis, coudonc, ça roule. Ça roule. Fait que continuez à venir nous voir sur Twitter, @retro_nouveau. Et aussi sur notre page Facebook. Notre page Facebook à facebook.com/rétro-nouveau en un mot. Ouais. Ça. Écrivez-nous. Laissez-nous des commentaires, des suggestions, whatever. Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. C'est ça. Parlez de nous à vos collègues et amis. Tu sais, les gens là, au bureau là, qui n'ont rien à faire. Ouais, là, qui n'ont rien à dire. Ils sont à son ordinateur, ils s'emmerdent. Tu sais qu'ils aimeraient ça écouter quelque chose. Ils connaissent pas ça, les podcasts. Parle de nous. Oui. Ils vont pouvoir écouter ça à l'ouvrage. Exact. Découvrir des choses. Ils disent, hey, moi, j'écouterais de quoi, là? T'as-tu une bonne toune à me conseiller? Non, un podcast. Un podcast, mon gars. Il y a des tounes dans le podcast. C'est clair. Rien qu'aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, tu as eu une toune de métal. Puis une toune de jungle. Non, c'est une toune de pitfall. Ouais, fait que, tu sais, crime, garde, là. T'es en business. Yeah. Fait que, sinon. That's it. That's it. On se voit à l'épisode 38. Salut. Ciao. Retro Nouveau.